Arlish. Nous sommes le dimanche 15 janvier, il est 9h. Le taxi roule vers Orly où je suis censé prendre un vol Cameroon Airlines à destination de Douala pour une mission de 15 jours. Tandis que le chauffeur essaie de se frayer un chemin dans les embouteillages matinaux, le film de la semaine écoulée me revient en mémoire. Je sors de l'immeuble de Nathalie, une atroce crispation au creux de la poitrine. Arrivé au portail qui donne sur la rue, je ne peux m'empêcher de me retourner. La plupart des fenêtres sont éclairées, mais une seule est au troisième étage. Une silhouette agite la main. C'est elle, j'en suis certain. Et le seul fait de l'apercevoir desserre l'étau qui me broyait le cœur. D'où je suis, je ne peux distinguer son visage. Mais je n'en ai pas besoin pour imaginer ses yeux et son sourire. Si je ne bouge pas, elle va rester là, à attendre que je parte. Je lui fais un dernier signe de la main, et au risque de tomber, je m'en vais à reculons. Je restitue la CX de location à l'agence et commande un taxi. Pendant les 10 minutes d'attente annoncées par la standardiste, j'appelle Nathalie depuis une cabine en face de l'agence Hertz. Le téléphone sonne longuement dans le vide. Sur le point de raccrocher après un déclic, j'entends sa voix. « John ?» Elle vient de me faire l'amour en une seule syllabe. Sa voix est si douce, si pleine de tendresse. « Oui, Nat, c'est moi. J'attends mon taxi. Je voulais entendre ta voix encore une fois. « Excuse-moi. » Je sortais de la douche. Le temps d'enfiler un peignoir. J'ai tellement hâte d'être à mardi midi, te voir, t'entendre, te toucher, t'embrasser. Je t'aime, John. Moi aussi, Nat. J'ai tellement hâte de te revoir. Je t'attendrai au bar des Fontaines du Louvre à 12h30. Nous aurons toute une heure rien que pour nous deux. Oh, déjà, c'est mon taxi. Il faut que j'y aille, sinon il va repartir. See you soon, my love. See you soon, John. I love you. Je raccroche précipitamment et me rue hors de la cabine pour éviter que le taxi ne reparte sans moi. Une demi-heure de trajet, je serai à la maison où, depuis tant d'années déjà, je suis devenu un étranger. Après les quelques jours magiques que je viens de vivre, il est certain que je le ressentirai encore bien davantage. Mais l'accueil qui m'attend ne m'angoisse même plus. J'ai pour me réchauffer une petite flamme qui brûle au fond du cœur, et c'est si bon que rien ni personne ne pourra me rendre triste comme chaque fois que je rentre de mission. Il y a si longtemps que je n'ai été aussi heureux et détendu. Dès mon arrivée, Andrea me le fait remarquer. « Tu as l'air fatigué, ce qui est habituel. Content aussi, ce qu'il est moins. » J'attribue mon attitude à la réussite de la mission que je présente comme ayant été particulièrement délicate, d'où la fierté légitime de l'avoir menée à bien. Je devrais être très mal dans ma peau pour ce mensonge. Il n'en est rien. En un flash, je revois ces 18 années de frustration sexuelle, la dépression dans laquelle je sombrais avec son cortège de pensées suicidaires. J'ai été au bord du gouffre, et j'ai saisi la main de Nathalie. La bulle d'amour qu'elle a créée m'isole et me protège. Contrairement à ce que je craignais, la semaine passe vite, rythmée par les échanges téléphoniques, les messages Minitel et les déjeuners aux Fontaines du Louvre, à une petite table discrète, toujours la même, où nous pouvons bavarder, nous embrasser et faire l'amour. Avec les yeux. Dès le mardi midi, Nathalie m'a confirmé avoir parlé à Peter. Le jeune garçon était enchanté de ma visite et impatient de faire ma connaissance. Le taxi se range le long du trottoir des déposes minutes dans l'île sud. Avec les embouteillages habituels dans cette zone, il aura fallu 1 heure pour faire 20 kilomètres. Mais c'est planifié et sans me presser, je me dirige vers la zone d'embarquement. L'habitude aidant, je repère très vite le comptoir de la camère, avec les bancs et les cabines téléphoniques juste en face. Les comptoirs d'enregistrement sont en pleine activité, mais j'ai encore une bonne demi-heure à attendre avant que ne commencent les annonces invitant les derniers passagers à enregistrer. Je vais donc m'asseoir pour patienter. Le rendez-vous avec Nathalie au point de rencontre est dans 45 minutes. La demi-heure qui suit est la plus longue de ma vie, mais je suis pile synchro devant un poste téléphonique lorsque retentit la première annonce demandant aux derniers passagers du vol Cameroon Airlines Paris-Douala de bien vouloir hâter leur enregistrement. Le temps d'introduire ma carte, de composer le numéro, et Andrea décroche. La conversation est brève avec en fond sonore l'annonce qui se répète en français et en anglais. Il est 10h30 et comme lui confirme ce qu'elle entend, je suis bien Orly sur le point d'embarquer pour Douala. Ai-je honte de ce stratagème? Même pas. J'ai le droit d'être heureux. Enfin. Aussitôt après avoir raccroché, je me dirige vers le point de rendez-vous. Nathalie y est. largement en avance sur l'heure prévue. Je l'aperçois de dos à une cinquantaine de mètres, immobile au milieu du flot de passagers qui entrent et sortent du hall principal. Sa chevelure blonde en point de mire, je presse le pas et ne suis bientôt plus qu'à une dizaine de mètres d'elle. Lorsqu'elle se retourne, son sac à l'épaule, elle porte un manteau anthracite déboutonné sur un pantalon bleu marine et un pull de laine blanc. À peine m'a-t-elle vu qu'elle pousse un cri et, sans égard pour les personnes qu'elle bouscule, se précipite vers moi en courant. Je lâche ma valise et me prépare à l'impact. Les bras ouverts. Elle me saute littéralement au cou, me couvrant le visage de baisers fous avant de me prendre les lèvres passionnément. J'ai le temps d'entrevoir la mine des nombreuses personnes qui nous croisent, surprise pour certaines de voir une femme si élégante et distinguée se conduire comme une adolescente. D'autres sont franchement ravis de voir leur journée commencer sous les auspices de Cupidon. La majorité, il faut bien le reconnaître, reste totalement indifférente. Nathalie n'en a cure et continue de me dévorer les lèvres, comme si nous étions seuls sur une île déserte. Le flot des passagers s'écoule autour de nous. Elle est si étroitement collée à moi que la pire tempête ne pourrait nous désunir. Abandonnant ma bouche, elle pose sa tête sur mon épaule. Je sens son souffle dans mon cou. C'est le dernier appel à embarquer pour Douala, qui nous fait sursauter. Nous n'avons toujours pas échangé une seule parole. Je régis le premier. Bonjour Nat, je n'arrive même pas à y croire. Son émotion est si forte que ses yeux sont un kaléidoscope de couleurs. Bonjour John, mon Dieu, moi non plus. Toute une semaine pour nous. Elle me caresse les mains, le visage, puis se rendant compte que je reste comme tétanisé, elle s'inquiète. Quelque chose ne va pas, John. J'ai peur de me réveiller et que tu disparaisses. Veux-tu que je te pince pour te prouver que je suis bien réel? Non, il me suffit de respirer ton parfum, ton odeur. Ça, aucun rêve ne pourrait le restituer. Son regard est un mélange d'amour et de désir. Elle inspire profondément, puis expire, vidant sa poitrine dans un profond soupir. Souvent, j'ai cru être amoureuse parce qu'un homme me plaisait et que j'avais envie de lui. En fait, je me rends compte que je n'avais jamais aimé parce qu'en plus de mon corps qui a hâte de te retrouver, mon cœur est plein de toi. Ses yeux brillent d'une chaude tendresse, mais au moment où je vais l'embrasser, et sans doute pour ne pas céder à l'émotion, elle se détache de moi d'un seul coup, me tirant par la main. « Allez bien, j'ai hâte d'être à la maison, seule avec toi. Mais je croyais que Peter, il est chez un ami et ne reviendra que vers 18h. » Son regard me dit toute sa fièvre. La tête posée sur mon épaule et son bras passé sous le mien, nous traversons le hall jusqu'à la sortie qui mène au parking où elle s'est garée. Sa voiture est une Mercedes blanche et en chargeant ma valise dans le coffre, je remarque la plaque diplomatique verte. Je l'aide à enlever son manteau et lui tiens la portière pendant qu'elle s'installe au volant, puis faisant le tour du véhicule, je viens m'asseoir près d'elle. C'était l'instant qu'elle attendait pour échanger avec moi un baiser de feu de ceux qui vont perdre tout contrôle. Il faut un effort de volonté surhumain pour libérer mes lèvres. « John, j'ai tellement envie de toi que j'en ai mal au ventre, mais là, je crois qu'il faut que j'arrête, sinon je vais être incapable de conduire. » Je crains en effet qu'il ne nous faille attendre un peu pour nous occuper de ton ventre. Je n'ai rien contre les parkings, mais je trouve que ça manque un peu d'intimité. Elle me donne une petite tape sur la main. Ses yeux sont les plus doux et les plus coquins du monde. Dès que nous quittons la zone de l'aéroport, la circulation se fluidifie et nous ne mettons pas une demi-heure pour rejoindre l'avenue Foch. Je passe presque tout le trajet, le bras autour de ses épaules à caresser ses cheveux, la main droite posée sur sa cuisse, dont je sens la tiédeur au travers du tissu du pantalon. Nous n'avons pas beaucoup parlé, si ce n'est elle, pour me dire combien il lui paraît irréel de m'emmener chez elle alors que 15 jours auparavant elle ne me connaissait même pas. Elle me fait aussi une recommandation me rappelant que si Peter est muet, il n'est par contre pas sourd et comprend parfaitement aussi bien l'anglais que le français. Le lourd portail de fer forgé donne un accès au parking de l'immeuble, s'ouvre lentement sans un seul grincement, et se referme derrière nous tout aussi silencieusement. Sous l'immeuble, le parking est divisé en garages privés pouvant contenir 2 voitures chacun. L'ascenseur est juste à côté et Nathalie utilise une clé spéciale pour l'appeler. La cabine prévue pour 4 personnes est suffisamment large, mais nous ne pouvons nous résoudre à en occuper tout l'espace et c'est étroitement serré l'un contre l'autre que nous atteignons le 3e étage. Tout comme le hall d'entrée, le palier est somptueux. Sous leur marbre, épais tapis, balustrade de fer forgé avec rampe de laiton verni. Il dessert deux appartements avec chacun la même porte de chêne massif à deux vantaux. Sur celle de droite, une plaque de cuivre gravée « Enloch Lane ». Nathalie ouvre le ventail de droite, entre et s'efface pour me laisser passer. Contrastant avec le style un peu austère de l'immeuble, la décoration de l'entrée est d'un raffinement exquis. Si je me réveillais à cet endroit, je jurerais avoir été transporté à Venise pendant mon sommeil. La console en bois doré et marbre sur laquelle Nathalie pose son sac et ses clés est surmontée d'un miroir à l'encadrement composé de pavés de verre multiforme. Sans l'ombre d'un doute, du verre de Murano. Promenant aussi de la célèbre verrerie vénitienne, un magnifique lustre à cinq branches torsadées y diffuse un éclairage très doux. La double porte intérieure qui sépare l'entrée de la pièce suivante est composée pour sa moitié supérieure de verre asymétrique multicolore et translucide. La partie inférieure de chacun des vantaux est faite d'un panneau de bois gris bleuté au décor sculpté doré à l'or fin. Juste en face de la porte d'entrée, le mur est entièrement couvert de miroirs rectangulaires parfaitement jointés, de sorte qu'il n'en forme qu'un. Un fauteuil bas Louis XVI et un guéridon complètent le décor de cet espace, qui, bien que sans fenêtre, est pourtant très lumineux. Tout en l'aidant à lever son manteau, j'en fais la remarque. Nathalie m'explique qu'il s'agit du puits de lumière au-dessus de nos têtes et du jeu des différents miroirs de la pièce. Elle me prend son manteau des mains. « Viens, prends ta valise, je vais te montrer ta chambre. » Me précédant, elle ouvre une porte dissimulée dans les boiseries du mur à côté de l'immense miroir. Nous sommes dans une espèce de sas assez spacieux décoré de miroirs et de tableaux avec une porte sur le côté droit et une autre en face de nous. C'est cette dernière que nous empruntons pour déboucher dans un large couloir d'une quinzaine de mètres éclairé à son extrémité par une seule fenêtre. Nathalie ouvre la première porte sur notre droite et avec un sourire espiègle, fléchissant le genou, me fait une révérence et m'invite à entrer. « Après toi, c'est la chambre où tu es censé dormir. J'espère qu'elle te conviendra. » J'entre. Il faudrait être difficile pour ne pas aimer. Le décor est très masculin, aux lignes modernes, mais toujours avec cette inimitable touche italienne. Un très grand lit, un immense placard aux portes coulissantes à miroir biseauté occupe tout un mur. Nathalie l'entrouvre. « Tu pourras ranger tes affaires ici. Viens voir la salle de bain. » Je dépose ma valise dans un coin et la suis. Lorsque j'entre, je reste bouche bée. À elle seule, cette salle de bain est un palais. À l'exception du plafond peint d'une laque beige clair, tout est fait de marbre aux tons différents, dont le mariage rend la pierre chaude et vivante. De chaque côté de la pièce, une vasque avec mélangeur en laiton massif surmonté d'un miroir flanqué de deux appliques en verre de Murano. Seules les étagères de verre au lavabo de droite sont garnies de produits et articles d'usage manifestement féminins, celles d'en face sont vides. Je suis plus qu'ébahi, et je vois bien au sourire de Nathalie qu'elle s'en amuse beaucoup. Au fond de la pièce, un grand jacuzzi de marbre avec une large bordure. Je ne vois pas de douche. Normal, en entrant, je lui ai tourné le dos. Suivant le regard de Nathalie, je me retourne et fais face à une douche à l'italienne. Parois de verre, pomme rectangulaire, douchette, une large banquette de teck et des étagères en verre, garnies de différents produits, complètent l'équipement de cette œuvre d'art. À hauteur du jacuzzi, je remarque une autre porte vers laquelle Nathalie se dirige. « Tu prendras le lavabo sur ta gauche et, derrière, la porte, juste là, c'est ma chambre. » À cet instant, je comprends pourquoi Nat souriait, et sourit d'ailleurs toujours avec un regard qui a viré du taquin au coquin. La salle de bain est commune aux deux chambres. Là encore, c'est elle qui ouvre la porte pour me laisser passer. Elle en profite pour m'effleurer la main. Ses yeux brillent comme des saphirs. Je pénètre dans la chambre d'un palais vénitien, une véritable splendeur. Tout ici respire la féminité, le lit immense recouvert d'une magnifique parure de satin bleu et de coussins assortis en dégradé de même couleur et flanqué de deux chevets en bois doré. La tête et le pied de lit, de même facture que les chevets, sont garnis d'un capiton de satin bleu nuit, une grande armoire baroque 18e, une coiffeuse surmontée d'un miroir gravé sur sa bordure de motifs de fleurs et d'oiseaux stylisés, dans lequel se reflète le lit et une grande partie de la pièce. En point d'orgue, un très grand tableau représentant une femme vêtue d'une tunique courte quasi transparente, le vêtement et ses cheveux volant dans le vent. Au vu de la position de son corps et du décor, elle danse sur une falaise face à l'infini de l'océan, là où le soleil se couche. Je m'approche, et dans cette représentation digne d'un David médusé, je reconnais Nathalie. « Mais c'est toi !» Un grand sourire. Oui, j'avais 20 ans, et papa et maman me l'avaient offert pour mon anniversaire. La légende, tout en bas, dit « In Erlich is a fish la braha ». Que Nathalie me lit avec dans la voix des sons et des inflexions si étranges que j'en reste pantois. Les yeux ronds, je demande « C'est quelle langue ça? Ça veut dire quoi ?»« C'est du gaélique, et ça signifie « un Erlich » pour son 20e anniversaire. »« Liz, tu ne t'appelles pas Nathalie ?» Dans mon dos, Nathalie s'est rapprochée jusqu'à m'effleurer. Elle murmure à mon oreille d'une petite voix très douce. D'abord, on ne prononce pas Alice, mais Eilish. Et maintenant que tu connais ce nom, je vais devoir te faire disparaître. Interdit, je sursaute et me retourne d'un bloc. Pardon? Le regard que je croise est si perçant que j'en ai presque froid dans le dos. Mais comme d'habitude, lorsqu'elle plaisante, elle ne garde pas longtemps son sérieux et voyant ma mine pour le moins ahurie, pouffe de rire. Eilish est mon prénom secret. Et en quoi justifie-t-il de me faire disparaître? C'est mon prénom gaélique, et selon la tradition, nul ne doit le connaître à l'exception de la famille proche. Alors pourquoi me l'avoir révélé? Parce qu'avec Peter, tu es la personne qui m'est la plus chère au monde. Ce que j'éprouve pour toi est quelque chose de si grand, plus grand que ma vie. Il n'y a qu'elle pour passer du rire aux larmes sans transition. Cette femme est un véritable kaléidoscope émotionnel. Ses yeux se sont d'un seul coup embués de larmes qu'elle se dépêche d'essuyer d'un revers de main. L'instant d'après, nous sommes dans les bras l'un de l'autre, à nous serrer très fort et à nous embrasser avec toute la tendresse du monde. Je me détache d'elle, de ses lèvres, et la regarde dans les yeux en souriant. Je voudrais qu'elle voie jusqu'au fond de mon âme. Elle me rend mon regard et mon sourire, et je jure qu'à cet instant, je sens une main douce et tiède me caresser le cœur. L'instant tendresse se prolonge par des caresses et des baisers de plus en plus appuyés. Nos souffles s'accélèrent jusqu'au moment où les yeux de Nathalie ne sont plus que deux francs de désir pur. Elle a senti ma présence insistante contre son ventre. C'est le déclic qui la déchaîne. En un tournement, elle se débarrasse de son épais pull blanc qui vole au milieu de la pièce, se retourne et s'appuie contre moi de dos et de tout son corps. Son bassin est si cambré que j'ai du mal à résister à la poussée de ses reins. À travers nos vêtements, je sens parfaitement ses muscles se contracter de la même façon qu'elle doit sentir mon désir qui l'assaille. Elle incline la tête, offrant son cou à mes baisers, et me prenant les mains, les pose sur ses seins qu'elle vient de libérer de leur prison de satin. L'instant est très doux, aussi doux que la peau de son cou est fine. Ses seins moelleux et fermes emplissent mes mains et je sens les battements de son cœur sous mes doigts. La fermeté et le maintien de sa poitrine sont en contradiction totale avec son volume. Quant aux tétons, ils sont déjà durs. Je les agace entre le pouce et l'index, ce qui déclenche une véritable réaction en chaîne. En une fraction de seconde, en même temps que j'entends le crissement d'une fermeture éclair que l'on abaisse, le pantalon et la culotte de Nathalie font un petit cercle sombre à ses pieds. Elle n'est plus vêtue que de ses bas de coton blanc. C'est un corps de rêve à la fois doux et musclé que je tiens dans mes bras. Elle se retourne, écrasant ses seins sur ma poitrine, me serre très fort contre elle et m'embrasse passionnément. Pendant que je lui mange la bouche, elle se penche en arrière et d'un seul geste ouvre le lit sur lequel elle bascule, offerte. Je crois que je ne suis jamais déshabillé à une telle vitesse. Blouson, chemise, t-shirt, chaussures et jeans ne font plus qu'un petit tas sur le parquet que déjà je la dévore de baisers de sa bouche à ses bas, de ses bas à sa bouche. Alors que je lui mordis un sein, de façon inattendue, elle bascule sur le ventre et d'une petite voix étouffée par l'oreiller sur lequel s'étalent ses cheveux blancs, elle murmure « My butt, please !» Et alors que je lui embrasse le creux des reins, se tendant vers moi, elle me demande d'une voix rauque « Oh John, bite me, please !» Je commence par les deux adorables fossettes et descends lentement, tandis que se cambrant, elle s'ouvre à mes baisers. Je la mordis à petits coups de dents, puis accentue mes morsures jusqu'à marquer légèrement cette peau si fragile. Elle frissonne de tout son corps et comme dans un sanglot. « Oh my God, yes, oh yes, more, more, my love, bite me, bite me !» Me gardant bien de serrer les mâchoires, je la mordis partout, puis ma bouche se fait plus inquisitrice. Je la mange pendant de longues minutes et ne m'interromps que lorsque dans un dernier cri et des soubresauts de tout son corps, qu'elle ne contrôle plus, elle s'effondre à plat ventre sur le lit. Je m'allonge doucement près d'elle, elle a le visage tourné vers moi. J'ai rêvé du loup, et le loup m'a mangé. Dieu que c'était bon! En même temps qu'elle, tout comme si nous étions reliés par quelques fils invisibles, je pose mon index sur son nez, et millimètre par millimètre, suit les contours de son visage pour finir sur ses lèvres. Dans un sourire comblé, elle me murmure « Ton nez brille !» Elle rit, m'ouvre ses bras « Viens !» Son visage si tendre, ses yeux si bleus, ses cheveux blonds étalés tels une gerbe d'or, et puis sa peau si douce, si chaude contre la mienne. Les pointes de ses seins effleurent ma poitrine, ses cuisses tiennent fermement ma taille, et tout à coup, la suave brûlure qui m'en serre, alors que commence son chant d'amour. Par deux fois, sans que nos corps se disjoignent, la vague nous a roulés comme des poupées dans sa puissante étreinte. Elle a gémi, crié, supplié dans de longs sanglots pour que cesse puis continue l'exquise torture. Son corps a tremblé et j'ai vu le blanc de ses yeux alors qu'elle s'affaissait comme un pantin désarticulé. Elle repose maintenant au creux de mes bras, la bouche entrouverte et les yeux clos, un sourire heureux sur son visage d'ange. Peut-être voit-elle ce qu'aucune des équations qu'elle maîtrise ne pourra jamais expliquer. Peut-être voit-elle le visage même de l'amour, peut-être voit-elle la face de Dieu. Sans ouvrir les yeux et sans disjoindre dans notre étreinte, elle murmure à mon oreille « My love, you're so sweet ». Elle reprend doucement ses esprits, mais attend que je la libère pour me faire basculer sur le côté. Elle se redresse sur un coude, me caresse tendrement le visage, et comme si elle s'avait meurtrie par ses baisers, passe doucement son pouce sur mes lèvres. Discrètement, elle jette un coup d'œil à sa montre, qui est le seul objet qu'elle ait gardé sur elle. « Mon Dieu, je n'ai pas vu le temps passer. Ça fait plus d'une heure que nous sommes là. Nous avons encore le temps, mais je ne voudrais pas prendre le risque que Peter rentre plus tôt et retrouve sa maman toute nue au lit avec un monsieur. Que dirais-tu d'une bonne douche ? Viens. » Elle me prend par la main et m'entraîne dans la douche où elle me lave avec des gestes si doux que je ne tarde pas à lui manifester ma reconnaissance. Elle prend un air ravi. Dois-je prendre ça pour un compliment ou une invitation ? À toi de choisir. Je prendrai le compliment, mais je retiens l'invitation. Elle achève de me rincer, me fait un petit bisou. C'est à mon tour de l'aider à sa toilette pour laquelle elle s'assied sur la banquette de teck, s'abandonnant à mes mains que je fais aussi légère que possible. Nous nous séchons, et alors qu'insatiable je m'apprête à l'enlacer pour un dernier baiser, elle s'esquive et prestement s'échappe vers sa chambre. « Tu vas bien m'aider à refaire le lit, s'il te plaît, on s'habillera après. » En un clin d'œil, comme si nous l'avions toujours fait ensemble, le lit a repris un aspect convenable. Nul ne pourrait soupçonner ce qui vient de s'y passer, et à cette évocation, j'ai une réaction incontrôlée. Lorsqu'elle se rend compte de mon état, Nathalie ne résiste pas, vient s'asseoir devant moi et me prend du bout des doigts. Juste un bisou. En guise de bisou, elle m'amène au paradis pendant 30 secondes, mais les meilleures choses ayant une fin, elle se relève, m'embrasse tendrement et, récupérant ses vêtements, commence à s'habiller. Je n'ai plus qu'à l'imiter, et comme je termine d'ajuster ma chemise, elle se rapproche de moi. Son regard est si tendre que je me sens en état d'apesanteur. Elle noue ses bras autour de mon cou comme pour me maintenir au sol et murmure à mon oreille. « Ce soir, tu entreras par la petite porte. Tu me l'as promis, à Barbizon. » Un bisou rapide, elle me prend par la main et avant que j'aie pu réagir, m'entraîne derrière en riant. « J'ai faim. Je crois que je serai capable de dévorer un bœuf, mais je me contenterai d'un encas. » Pour le dîner, j'ai prévu le plat préféré de Peter et je ne voudrais pas caler devant mon assiette. Nous passons le sas des chambres pour déboucher à gauche dans un immense séjour, dont la décoration marie le baroque de l'entrée aux lignes modernes des meubles contemporains. C'est un très grand volume d'au moins 15 mètres sur 6, partagé en deux zones éclairées par 3 baies, donnant sur un grand balcon et décoré de somptueux voilages et doubles rideaux. Le côté séjour est meublé d'un immense canapé d'angle en cuir naturel couvert de coussins multicolores aux couleurs pastel. Derrière le canapé, un très grand miroir de Venise. Devant, une splendide table basse en bois doré et vert occupe le centre d'un tapis qui à lui seul doit valoir le prix de mon pavillon de banlieue. C'est une pièce rarissime de plus de 3 mètres sur 4 et j'ai reconnu un disparu en soie noué à la main. Fermant l'espace salon, un canapé de place du même modèle que celui d'angle et deux imposants fauteuils de cuir de même facture. Face au canapé, le long du mur principal, un meuble bas flanqué de deux larges colonnes emplies de livres, de photos et divers bibelots, le tout formant un nu au centre duquel est accroché un magnifique tableau représentant un paysage marin d'Irlande. L'autre côté de la pièce est composé d'une salle à manger avec une table ronde pouvant accueillir 8 à 10 convives, suivie d'une cuisine américaine équipée d'un immense frigo et de placards hauts et bas, dont les portes reprennent discrètement les motifs de couleurs et de voûtes chères à la sérénissime. Je suis époustouflé tant par la beauté que par l'harmonie qui se dégage de cet ensemble et j'en complimente Nathalie. Elle me répond avec un sourire un peu triste. En dehors de ma chambre que j'ai entièrement refaite, tout ce que tu vois dans cet appartement est tel que papa et maman me l'ont laissé. Ici, à part quelques bibelots, je n'ai touché à rien. Mais il va falloir que je songe à changer les voilages et les doubles rideaux. Puis, secouant la tête comme pour chasser de tristes pensées, « Allez, viens !» J'ai préparé une salade avec gésier confit et croûtons grillés. J'espère que tu aimeras, et nous finirons ensemble la bouteille d'eau malais que j'ai entamée hier. L'Anka a été un délice. Nathalie est un vrai cordon bleu. À la première gorgée de vin, je retrouve avec émotion le souvenir de notre dernier week-end à Barbizon. Le dessert est un sorbet à la mandarine qu'elle a moulé en forme de cœur. Le café nous retrouve blotti sur le canapé. Nous restons là sans parler ni bouger, savourant ce moment de douceur. Elle a pris mes mains, les a passées sous son pull où elles servent de refuge à deux pigeons doux et tièdes. Je sens les battements de son cœur et parfois, lorsqu'elle bouge, un téton facétieux se glisse entre mes doigts. L'instant le plus précieux, c'est celui où elle s'endort. Son corps se fait lourd, sa respiration ralentit, devient plus profonde. Je savoure chaque seconde de cet instant béni, souhaitant qu'il dure l'éternité. Ce n'est hélas qu'une éternité de 20 minutes. Un petit sursaut, elle se réveille, se retourne et s'étire comme une chatte qui sortirait de son panier. Un magnifique sourire, ses bras qui se referment autour de mon cou. Elle m'embrasse doucement et murmure d'une voix encore ensommeillée. J'ai dormi longtemps, près de 20 minutes. Elle relève la tête et me fixe l'air à la fois contrit et étonné. Mais tu dois avoir des crampes. Non, rassure-toi, je n'ai pas de crampes et j'ai trouvé ce moment bien trop court. Tu es un amour. Je t'aime, John. Le baiser qu'elle me donne confirme son propos. Sa langue a encore le goût du café avec une pointe de mandarine. Sa bouche, tantôt fondante, onctueuse et douce, s'abandonne à mon désir et tantôt inquisitrice, prend l'initiative. Il me reste cependant assez de lucidité pour rendre les armes le premier. Si nous continuons à nous embrasser comme ça, le canapé subira bientôt les derniers outrages. Un petit bisou sur le bout du nez, je demande. Ne craignais-tu pas un retour prématuré de Peter ? À peine ai-je fini ma phrase, que nous faisant sursauter tous les deux, le carillon de l'entrée retentit. Nathalie s'exclame. « Mon Dieu, c'est Peter !»